dont la vieille Riclée, montée chez sa maîtresse. Elle riait tout haut à l'idée d'annoncer que l'époux était là. Ses genoux bondissaient, ses pieds sautaient les marches. Elle était au chevet de la reine. Elle dit « Lève-toi, Pénélope, que tes yeux, cher enfant, revoient enfin l'objet de tes vœux éternels. Ulysse est revenu, il est dans son manoir, qu'il a tardé longtemps. Mais viens, il a tué les fougueux prétendants qui pillaient sa maison, lui dévoraient ses biens et maltraitaient son fils. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit « Bonne mère, es-tu folle? Un dieu peut donc troubler la tête est la plus sage, et donner la sagesse à l'esprit le plus faux. Toi, si posé jadis, c'est un dieu qui t'égare. Par tous ces racontars, à pourquoi te jouer de ce cœur douloureux? Pourquoi me réveiller du sommeil qui mettait sur mes paupières closes un joug plein de douceur? Je n'ai jamais si bien dormi depuis qu'Ulysse est allé voir là-bas cette Troie de malheur. Que le nom en périsse. Mais allons, redescends, retourne à la grande salle. Si pour cette nouvelle, une autre de nos femmes m'eût tiré du sommeil, crois bien que sans tarder, ma colère l'aurait renvoyée du manoir. Mais toi, il me faut bien excuser ta vieillesse. » La nourrice Riclée lui fit cette réponse. « Mais qui se joue de toi, ma fille? En vérité, Ulysse est de retour, il est à la maison. C'est comme je te dis, c'était lui l'étranger que tous ils outrageaient. Télémaque savait de longtemps sa présence, mais prudemment gardait le secret de son père pour lui donner le temps de punir ses bandits. » À ces mots, Pénélope en joie sauta du lit, prit en ses bras la vieille, et les yeux pleins de larmes, lui dit ces mots ailés. « Bonne mère, ah vraiment tu ne me trompes pas? Si comme tu le dis il est à la maison, comment donc a-t-il pu, à lui tout seul, abattre cette troupe éhontée? Car chez nous, c'est toujours en nombre qu'ils étaient. » La nourrice Riclée lui fit cette réponse. « Je n'ai rien vu, rien su. Je n'ai rien entendu que le fracas du meurtre. Apeurés, nous restions dans le fond de nos chambres, entre les murs épais et toutes portes closes. De la grande salle enfin, Télémaque, son fils, que son père envoyait, me cria de venir. Quand je revis Ulysse, c'était parmi les morts, debout. Autour de lui, leurs cadavres pressés couvraient le sol battu. Si tu les avais vus, quelle joie pour ton cœur. De poussière et de sang, lui, couvert comme un lion. On les a mis en tas aux portes de la cour. Il a fait un grand feu. Il a brûlé du soufre. La salle est toute belle. Il m'envoie te chercher. Suis-moi, que vos deux cœurs s'unissent dans la joie après tant de souffrances. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit.